بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc là, bifadlillah, la dernière fois, on a complété la deuxième, sixième règle, qui était la dernière règle de ce fasl, de ce premier asl qu'on a pris dans ce livre, qui était muta'alaq bi al-tawhid fi sifat. Donc le khurasa de ce qui est passé min awal al-kitab, أخذنا الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر وفي الشرع والقدر من باب الطلب. Qu'est-ce qui concerne le tawhid des sifat, c'est le khabar. Et ce qui concerne le shar, le qadar, c'est dans le talab, la demande, l'attente. On a pris le os, le tawhid des sifat et ses preuves. On a pris également les groupes déviants principaux dans le bab des sifat, ainsi que leurs suiveurs, parmi les mu'attila. Comme Asha'ira, comme le Jahmiya, le Falasifa, wa Maturidiya, wa Karamita, wa al-Batiniya, wa Ghurat, al-Jahmiya, wa Ghayram. Et les Shubuhat et la réponse à leurs Shubuhat. On a appris que le qawl dans le sifat, dans certaines sifat, c'est comme le qawl dans d'autres sifat. C'est pareil, on ne peut pas différencier. On a dit que le qawl dans les sifat, c'est comme le qawl dans le zaat, kazalik. On a appris la qaïda al-oula, qui est que Allah subhanahu wa ta'ala a s'est décrit entre deux points qui sont al-nafi ou al-ithbat. On a pris Thania, qui est que il nous est obligatoire de croire en tout ce que Allah Spontané nous a informé à son sujet. On a pris le Qaïda Thalitha, qui est que doit prendre le Zahir des Nusus, l'apparent des textes. Wa Akhavna Kazalik, Qaïda Rabi'a, quatrième, les méfaits dans lesquels sont tombés les gens qui ont un Tawahum dans les Nusus et les Sifat, et que cela n'implique pas forcément un Tamsil. On a appris le Khamisa, de ce que Allah spontané nous a formé à propos de lui-même. De, on ignore, on connaît le ma'ana, mais on ignore le hakika ou le kifiya. On a appris le ta'wil et ses sens. وقعدنا القاعدة السادسة الأخيرة qu'on a pris, qui est en les normes de ce qui nous permet d'affirmer ou de renier. Donc on affirme tout ce qui amène à la perfection et qui inclut une non-ressemblance à la créature. Car le fait d'affirmer pour ne pas faire ressembler à la créature ne suffit pas. On l'a dit, il faut également que cela démontre la perfection de la sifat. Et kazalik le nafi. Le fait de simplement faire un nafi pour refuser le tashabbuh ne suffit pas. Il faut faire un nafi qui confirme la perfection. Et qui renie tout manque. Car tu peux dire que Allah ne ressemble pas à sa créature sans pour autant que cela montre la perfection de ses sifat. Hada al-akhir alladhi akhadhna bi-ikhtisar. Wa al-yawm sanadkhul fi al-asl al-thani min hadha al-kitab. وهو في القدر والشرع dans le destin et la législation. قال المصنف رحمه الله تعالى القدر تقدير الله تعالى على ما كان وما يكون أزلا وأبدا. Donc le قدر sont les choses que Allah a prédestinées qui devaient être et cela de façon continue. Et que l'iman du qadar, c'est un des piliers de l'iman. Et sitta. Comme a bayyana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les Jibril. Lorsqu'il a interrogé, il lui a dit mal iman, qalan tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rasuli wa al-jumil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Tu crois en Allah, en ses anges, en ses kutub, en ses messagers au jour dernier, que tu crois au qadar, qu'il soit bon ou mauvais. Qalan iman bil qadar wa shara. min tamam al-iman bi rububiyyati Allah ta'ala. Et ça, c'est parmi les choses qui amènent à compléter la foi en rububiyya. L'iman bil qadar arba'a maratib. Il a quatre étapes, quatre échelons, on va dire. Qad akhadhna kitab tawhid lakin nuzakkiru hawna. Al-oula الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي والأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن ومما يكون من أفعاله أو أفعال مخلوقاته. Première chose, c'est qu'on doit avoir la foi que Allah connaît et a toujours su et saura toujours ce qui était et ce qui sera et ce qui devait être parmi les plus petites des choses et les plus grandes, qu'elles soient apparentes ou cachées. Et ce qui a lieu par rapport à ses actes à lui-même ou ceux de ses créatures. Dernier, l'ilm. Martabat al-oula, l'ilm. Athaniya, l'iman bien Allah ta'ala kataba fi ruh al-mahfouz maqadir kulli shayin hatta itakoum as-sa'a. Fama min shayin kana au yakounu illa wa maktoubun maktoub mikdor kabl mukaddar maktoubun mukaddarun kabl an yakoun. Deuxième marhala, la foi que Allah a écrit les choses dans le Louh al-Mahfouz. Il a écrit les mesures de toutes choses, jusqu'à ce que vienne l'heure. Et qu'il n'est pas une chose sans qu'il ne l'ait écrit, qu'il a été ou qu'il sera. Et cela avant qu'elle n'ait lieu. Thumma dhakara al-dalil min hatayn marhalatayn. Les preuves de ces deux marhala, qu'Allah Azza wa Jal, ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض وأن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. N'as-tu pas su que Allah sait ce qui est dans le ciel et sur terre et que cela est dans un livre et que cela est facile pour Allah. Dans le Hajj, sourate al-Hajj, verset 70. Donc dans le verset que Allah il sait ce qui est dans les cieux et dans la terre et cela est dans un kitab, أي اللوح المحفوظ. وقوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. Qu'il a les clés de l'invisible et personne ne les connaît sinon lui. Il sait ce qu'il y a sur terre et dans la mer et ce qui tombe comme feuille, ou plutôt aucune feuille ne tombe sans qu'il même ne le sache, ou même une graine dans les ténèbres de la terre. Comme il dit à la fin du verset, tout cela dans un livre clair. Surat al-An'am, verset 59. Et d'aller de la sunna, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال عرشه على الماء. أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما. Que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit les doses de chaque chose, de toutes les créations, avant qu'il ne crée les cieux et la terre, voyez, de 50 000 ans, avant qu'il ne crée tout cela. Et son arche était sur l'eau. Rapporté par un muslim selon Abdullah ibn Amr. Et le Bukhari l'a rapporté dans son sahih, le hadith Imran ibn Hussein, radiallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. Que Allah était et rien n'existait avant lui, et que son trône, son arche était sur l'eau. Ensuite, il a créé les cieux et la terre, et il a écrit tout cela. Et là, ce hadith est une hujja également pour ceux qui disent que le arche était créé avant le qalam. Le arche était créé avant le qalam. Ce qui dit thumma khalaqa as-samawati wal ard. Ensuite, comme va venir le hadith maintenant. Et l'imam Ahmed il a rapporté, ainsi que Tirmidhi, le hadith de Ubadah ibn Samit radiallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال ربي وما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. Au hadith Hassan, Bardoum Sahahahu, qui le dit sallallahu alayhi wa sallam, que dès que Allah a créé le qalam, et Bardoum Kalu, Anna, Car cette phrase-là peut être interprétée comme la première chose que Allah a créée, c'est le qalam. Dans le sens que main, elle serait kafa après awwal, c'est-à-dire dès le début. Et d'autres, ils ont mis là, mais c'est un ismousoul, c'est-à-dire la première chose que Allah a créée, c'est le qalam. Il y a eu deux interprétations par rapport au hadith, à la lafzihi. Donc il lui a dit quoi au qalam, uktub. Il a dit, oh Seigneur, qu'est-ce que j'écris? Il a dit, écris les doses de toutes choses jusqu'à ce que devienne l'heure. Donc ça, ce sont les deux martaba. L'oula, al-ilm, al-thaniya, al-kitaba, que Allah il a écrit. Al-martaba al-thalitha, al-iman bi mashiyatillahi ta'ala, wa innaha ammatun fi kulli shi'in, faba wujida mawjudun wala عدم معدوم من صغير وكبير وظاهر وباطن في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله عز وجل سواء كان ذلك من فعله تعالى أم من فعل مخلوقاته. Troisième étape, c'est avoir la foi en la machia d'Allah, sa volonté, et qu'elle englobe toute chose, qui n'est pas une chose existante ou qui n'existe pas non plus, petite ou grande, apparente ou cachée, dans les cieux et dans la terre, sans que cela soit par la machia d'Allah. C'est-à-dire ce qui existe, c'est que Allah il a voulu. Et ce qui n'existe pas, c'est parce qu'il a voulu également. Et cela qu'il s'agisse de ses propres actes à lui-même ou de ceux de sa création. Al-martaba rabi'a, quatrième martaba, al-iman bi khalqillahi ta'ala wa annahu khaliq kulli shay'in min saghirin wa kabirin wa dha'irin wa batinin wa anna khalqahu shamilun li'a'yani hadhihi al-makhluqat wa sifatiha wa ma yasduru 'anha min aqwali wa af'al. Quatrième étape dans le Qadar, Marhala, c'est la foi en la création, que c'est Allah qui a tout créé, comme grande ou petite chose, apparente ou cachée, et que sa création englobe toute chose, dans les créatures et dans leurs attributs, et dans ce qu'elles font également. D'accord ? Les choses que font sa créature, c'est lui qui a créé tout cela, comme parole et comme acte. Et comme athar, comme trace qu'ils auront laissé. Wa dalil hatayn al-martabatayn, l'épreuve de ces deux martaba. Qala Allah azza wa jalla, Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Law maqalidu as-samawati wal ard, que Allah a créé toutes choses, ou plutôt le créateur de toutes choses, et qu'il est garant de toutes choses. Et que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Az-Zumar, verset 62 à 63. وقوله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Qu'il est celui qui a la royauté des cieux et de la terre, et qui n'a sûrement pas pris d'enfant, et ni qui n'a d'associé dans son royaume, et qu'il a créé toutes choses, et qu'il a dosé toutes choses. Discernement, verset 2. وقوله Wallahu khalakakum wa ma ta'amaloun, que Allah vous a créé ce que vous faites. Surat Safat, verset 96. Donc cela montre quoi? Al-khalq. Thumakal, que Allah n'a rien créé, ce n'est pas sa machia. Que Allah, ce moment-là, n'a rien qui le contraint à faire ce qu'il fait. Même dans son mulk, il a la royauté totale, l'autorité totale, et la dominance totale. Et il dit subhanahu wa ta'ala, que Allah fait ce qu'il veut. Surat Ibrahim, verset 27. Wa qala Allah ta'ala, Allahu yabsutu ar-rizqa liman yasha wa yaqdir, que Allah accorde le risque à qui il veut, et c'est lui qui dose. Ra'd, de tonnerre, verset 26. Et il a dit à propos des actes de ces créatures par sa machia, لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمْ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Qu'il a dit quoi? Pour celui d'entre vous qui veut être droit, et vous ne sauriez vouloir être droit si ce n'est Allah qui l'aura voulu, Seigneur des mondes. Verset au surat Takwir, verset 28 à 29. وقال الله تعالى وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Que Allah il dit dans le sens que si Allah avait voulu, si Allah il veut, avait voulu plutôt, ne serait pas combattu après eux, c'est-à-dire après les prophètes, après que les éclaircissements et les preuves leur sont parvenus. Cependant, ils ont divergé. Parmi eux, certains qui ont cru et d'autres qui ont mécru. Et que si Allah avait voulu, ne serait pas combattu. Cependant, Allah fait ce qu'il veut. Sourate Al-Baqarah, verset 253. Faqal. Donc là, ce sont les adillah de ces marahil. Al-ilm, wal-kitaba, wal-mashi'a, wal-khalq. Que Allah a su. Ensuite, il l'a écrit. Ensuite, il l'a voulu. Ensuite, il a créé. D'accord, il a créé. قال والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعلها الله تعالى أسباب. Que le qadr ne s'oppose en rien aux asbab qadariya, kouniya, c'est-à-dire les choses que Allah il a fait, qui ont lieu de lui-même sans que toi tu ne départes dedans. Ou shar'iyya, les choses qui te reviennent à toi, ce que tu dois couper dans la religion. D'accord, le qadr ne s'oppose pas aux asbab. Et les asbab font partie du quoi? Du qadar d'Allah, kazaïk. Et qu'il a lié ce qui provoque les causes aux causes. Et cela, ce qui est le fruit de sa grande sagesse. Et que Allah attribue justement ces asbab, ses attributs à lui-même dans différents endroits de son livre. Quand Aleph a mis l'asbab al-qadariya, quand on dit asbab al-qadariya, c'est asbab kouniya kazaïk, dans la création. قال الله عز وجل الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الوقد يخرج من خلاله إلى قوله فانظر لأثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. On se verset que Allah t'explique justement comment il redonne la vie à la terre après qu'elle soit morte, comment il a fait venir les nuages dans les cieux, comment il fait descendre la pluie, et cela est une preuve de sa rahma et qu'il est capable de toute chose. Et ça, c'est dans Sourate Ar-Rum, verset 48 à 50. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, comment la vie, ou plutôt la terre, elle revient à la vie après avoir été morte, Allah te montre que c'est lui qui a fait venir les nuages des cieux, qui ont fait descendre la pluie, cette pluie arrose le sol, ce sol fait pousser la verdure. Hadhimine asbab la qadariya. Toi là-dedans, l'être humain n'a aucune part là-dedans. C'est des choses que Allah a fait comme cause pour que la vie ait lieu sur terre. Wa min asbab al-shar'iyya, les causes légiférées, qal قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى الصراط المستقيم. Il a dit que vous êtes certes venus dans le sens d'Allah une lumière et un livre clair par lequel Allah guide celui qui suit son agrément et les sentiers de la paix. Et il les sort des ténèbres vers la lumière par sa permission et il les guide vers un chemin droit. Sourate Al-Ma'ida, versets 15 à 16. قال فكل فعل رتبه الله عليه عقابا او ثوابا فهو من الاسباب الشرعيه باعتبار كونه مطلوبا من العبد من الاسباب القدريه باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره. Tout ce que Allah a mis comme chose ayant une bonne rétribution ou une mauvaise, cela est parmi les asbab shar'iyya par rapport au fait qu'elles sont attendues du serviteur. Les choses qu'il a dit de faire, de ne pas faire. Pour pouvoir réussir. Ça, c'est les asbab shar'iyya. Et les choses qui ont lieu par son décret, et ce qu'il a prédestiné, qui touche à la création, dans laquelle tu n'as la volonté d'être mukallaf d'aucune part, ça c'est les asbab et qadariya. Comme on expliquait, mathalan, que la pluie est tombe. On n'a aucune part là-dedans. On n'a pas de machia dedans, ça ne nous concerne pas, nous. La pluie, c'est pas, elle descend si nous on veut aussi. Par exemple, tu peux dire, moi je fais telle chose si je veux. Biznillah ta'ala, je descends l'escalier. Tu décides de descendre l'escalier, tu descends l'escalier. Après, on te dit, tu décides que la pluie est tombe. Tu ne pourras pas ça. En même temps, tu ne pourras pas. je décide que tel arbre il pousse, tu ne pourras pas non plus. Si, à part si tu fais les causes qu'Allah a décrit comme le fait de mettre la graine, de l'arroser, ou rien dans les cas. Enfin, les causes, hein, qadariya. Avoir un enfant sans cause qadariya, tu ne peux pas. Rien dans les cas. قال والناس في الأسباب طرفان ووسط. Donc dans le bab des asbab, les gens sont entre deux extrêmes et un juste milieu. فالطرف الأول نفات أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها. حتى قالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها. Donc maintenant le premier extrême sont les gens qui ont eux refusé les asbab et leur impact et leur influence. Ils en ont fait juste des signes. Ces asbab que tu vois sont des signes. Yani que la chose s'est produite et non pas que la chose s'est produite par la cause de cette chose. À telle époque, ils ont dit Mathalen, si jamais tu jettes une pierre sur du verre, ce n'est pas la pierre, le fait que tu aies jeté la pierre sur le verre qui fait qu'il se casse. Juste, cette brisure, c'est un signe qu'il y a eu un contact entre le verre et la pierre, c'est tout. D'accord ? En fait, le verre s'est cassé parce qu'elle a voulu qu'il se casse, c'est tout. Établir, ils ont ça, non. L'excès là-dedans. Donc, pour eux, il n'y a pas d'asbab. Quoi qu'il arrive, c'est pas une cause. C'est juste un signe qui te montre que ça s'est produit, c'est tout. Demain, quelqu'un, il rentre dans l'eau, il ne s'est pas nagé, il se noie, ils vont dire, c'est pas parce qu'il ne s'est pas nagé. C'est pas parce qu'il ne s'est pas nagé qu'il s'est noyé. C'est pas pour ça. C'est parce qu'Allah, il a voulu qu'il se noie, c'est tout. D'accord ? Donc, il y a du vrai, c'est une chose qu'Allah, il a voulu, mais il y a du faux qu'ils ont renié la cause. Donc eux, ils ont quoi ? Ils sont opposés au Adila Shadriya et même au Hiss, au constat. Et qu'ils ont fait un inkar du Hikmatillahi Ta'ala dans les choses qui sont liées au Asbab. Et eux, ce sont les Jahmiya et les Asha'ira. Peut-être pas tous, mais parmi eux. At-Taraf al-Thani, deuxième extrême. Ghurat asbatu ta'fir al-Asbab, lakinnahum alu fi dhalika wa ja'aluha muassiratan bi dhatiha. Eux, ce sont ceux qui ont été trop loin, par contre. Qu'ils ont fait que la cause, c'est elle qui a créé ce résultat, en soi. Donc, ils sont tombés dans le shirk, car ils ont fait un deuxième créateur. D'accord ? La Salène, eux, ils vont dire le contraire. Que cette la Salène, le verre, n'a été cassé que à cause de la pierre. Que c'est la pierre qui a créé cette brisure dans le verre, en soi. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, cette création qui a eu lieu, qui était que le verre s'est cassé, ça ne vient pas d'Allah, ça vient de la pierre pour eux. Même ta'aza. Donc ça s'oppose au adillah. Clair. Car il y a du vrai que les causes en ont leur part, mais que Allah, s'il veut, ces choses-là, ils peuvent les changer. Kama hasala ma Ibrahim alayhi salam. Haythu qala Allah azza wa jal, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lorsqu'ils ont jeté Ibrahim dans le feu, Allah il a dit quoi au feu ? Sois fraîcheur et sérénité pour Ibrahim. Donc le feu à la base, ça brûle. Mais Allah a changé la nature du feu à ce moment-là pour Ibrahim. Ça aurait été eux, ils auraient dit non. C'est le feu de lui-même qui a changé. Ce n'est pas Allah qui a voulu. C'est le feu en lui-même qui a changé de nature, qui n'a pas brûlé Ibrahim. Parce que le feu, il a voulu. Même ta'ala. C'est qui ça comme ça ? Ça, ce sont les Qadariya, les Mu'tazila. Avant, c'était Sha'ira ? Jahmiya. Donc, Allah, ce moment là, comme il a créé les causes, il veut, il change la nature. Comme ce qu'on appelle Mathalène, les mukarramat donnés aux awliya ou les mu'jiza donnés aux anbiya, rien de zalika. les miracles, les prodiges. Fuma qala wa amal wasat, les gens du juste milieu. Hum fa hum allazina hadaw ila al-haq wa tawassatu bin al-fariqayn wa akhadhu bima ma'a kulli wahidin minhumā min al-haq fa athbatū lil-asbāb ta'thīran fi al-musabbibatihā lakin lā bi dhātihā bal bima awda'ahu Allahu ta'ala fiha min al-quwwah al-mūjibah. Donc maintenant les gens du wasat sont ceux qui ont été guidés vers la vérité, les gens du juste milieu, et qui ont pris la vérité présente chez les deux extrêmes. Car chacun, ils ont une part de vérité en ce qu'ils disent. D'accord ? Et une grande part de faux. Les gens du milieu, ils ont pris la vérité présente chez les deux groupes extrêmes. Quand ils affirment que les causes, elles ont une part d'influence dans ce qu'elles auront provoqué, mais pas en elles-mêmes. Mais azab imashiyatillah. Comme on l'a dit la dernière fois, Messalène, comme tu l'as dit, l'établir, comme je l'ai entendu Dieu le dire, ils vont dire, c'est pas le couteau qui coupe, c'est Allah qui coupe. T'as dit, c'est pas la vache qui donne le lait, c'est Allah qui donne le lait. Al-Zalika. Donc ces gens-là sont les gens de la vérité du Sawab, sont les gens de la Sunna, qui ont lié entre les textes et la raison, et le constat, le marsos. قال واذا كان القدر لا ينافي الاسباب الكونيه والشرعيه فهو لا ينافي ان يكون للعبد اراده وقدره يكون بهما فعله فهو مريد قادر فاعل لكل الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. Donc maintenant que le qadar, qui ne suppose pas aux asbab qadariya wa shar'iya, on dit qu'onia c'est qadariya. Également, il ne suppose pas au fait que le abd, il ait une volonté aussi, un libre arbitre, qu'il est capable de faire des choses, d'accord, et qu'il a la volonté de faire des choses. Comme Allah Azza wa Jalla dans le sens où il dit, parmi vous, certains qui veulent la dunya, et parmi vous, certains qui veulent l'akhira. Ali Imran, verset 102. Wa qawluhu wa ghadu wa la hardin qadirin. Et qu'ils partirent tôt, en but de faire preuve d'avarice envers les pauvres, se croyant en mesure de le faire. Les gens du jardin. Surat al-Qalam, verset 25. Wa qawluhu wa law annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayrun lahum wa shadda tathbita. Et que si jamais ils avaient fait ce qu'on leur avait ordonné de le faire et exhorté de le faire, cela aurait été meilleur pour eux, d'accord, et de plus grande fermeté. Surat al-Nisa, verset 66. وقال عز وجل من عمل الصالحة فلنفسه ومن أساء فعليها. Celui qui a fait du bien, c'est pour lui-même. Celui qui a fait du mal, alors c'est contre lui, contre son âme. Surat Fussilat, détaillé, verset 46. Cependant, sa volonté n'est pas indépendante, ni sa capacité, ni ses actes. D'accord ? Il ne peut faire cela si ce n'est avec des causes. Et ces causes-là qu'il a créées, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça revient à quoi ? Sa mashiyah. Comme a dit Allah Azza wa Jal, لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ مَنْ يَسْتَقِيمْ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Parmi ceux d'entre vous qui veulent devenir droit, et vous ne sauriez devenir droit si c'est que Allah l'a voulu, Seigneur des mondes. Car sa volonté et sa kudra, ses actes, sont parmi ses sifat. Car il est créé, par du mukallaf. Donc, ces sifat, si elles sont les siennes et qu'il les crée, c'est qu'elles sont elles-mêmes créées. D'accord ? Elles sont même créées. Car les sifat suivent les mausouf. Et ils sont toutes des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, kullu shay tahta mashi'ati. Dans les marahil qu'on a pris au début, le ilm, il a su. Ensuite, il l'a écrit. Ensuite, il l'a voulu. Ensuite, il l'a créé. D'accord ? Mais ce libre arbitre, il est en toi. Et tout cela, le shi'a, à la suite, inshallah, va. Bayen, comment on lit entre le Qadar et la Mashi'a, pour ceux qui auraient voulu dire que comment je fais des choses alors qu'Allah prédestine le contraire. Donc pourquoi serais-je puni ? Pourquoi serais-je rétribué en bien ? Wa kada. Tamam. Ça, c'est ce qu'on a pris aujourd'hui au début. Bon, le premier os qui est Al-Qadar wa Shara. Comment on lit entre le Qadar et le Shara. Législation et les choses que Allah a décrétées. Fa'ilahuna wa alhamdulillahi rabbil alamin.